إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam, donc on continue avec la lecture de l'explication de la aqidah des deux Razi, Abu Hatim et Abu Zur'a, al-Raziyayn, avec l'explication de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Hafidhahullah. Et c'est le charh qui s'intitule Qurratul Aynayn, بتوضيح معاني عقيدة الرازيين. On est arrivé dans la aqidah des deux Razi à la question du point 20 et qui parle justement de l'interdiction chez les salafs de se révolter contre les dirigeants musulmans et de combattre dans la fitna, dans les périodes de fitna, et qui ordonne d'écouter et d'obéir à ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'autorité sur nous et de ne jamais retirer notre main de l'obéissance de notre dirigeant une fois qu'on lui a donné allégeance. Donc on a expliqué au dernier cours des choses qui ont rapport avec ce point-là, et on a mentionné les preuves à ce sujet, et maintenant on a parlé aussi de l'égarement des Khawarij sur ce sujet, et maintenant on continue à expliquer le reste de ce que Cheikh Rabi a mentionné à ce sujet-là dans l'explication. Donc il dit « Nasalullah » أن يهيئ للمسلمين حكاما ناصحين لأن الحاكم إذا لم ينصح للأمة لا يجد رائحة الجنة الحاكم يجب عليه أن ينصح ومن نصحه للأمة أن يطبق فيهم أحكام الله وينفذ فيهم شريعة الله ويربي الأبناء والأجيال والجيوش على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يجب على المسلمين. Donc le cheikh il dit on demande à Allah de donner aux musulmans des dirigeants qui sont sincères, car le dirigeant s'il n'est pas sincère envers la Ummah, il ne va pas sentir l'odeur du paradis. Et donc le dirigeant, il est obligatoire pour lui d'être sincère envers la Ummah. Et parmi les exemples qui vont montrer sa sincérité envers la Ummah, c'est qu'il va appliquer sur eux les règles d'Allah. Et il va faire exécuter parmi eux les règles de la charia d'Allah. Et il va éduquer les fils et les générations et les armées sur le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qui est obligatoire aux musulmans. Allah الذي خلقكم وبوأكم هذه الأرض, الأرض التي فتحت بالإسلام, مصر فتحت بالإسلام, ليبيا, تونس, الجزائر، المغرب، الشرق الغرب، العراق، خراسان، كلها فتحت بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف ينسى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ينسى الله؟ كيف تنسى أحكامه سبحانه؟ الحكم له وحده سبحانه وتعالى، ليس لأحد حاكمية مع الله تبارك وتعالى. فنسأل الله العافية. Donc le Cheikh il dit, cette terre sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait habiter, c'est une terre qui a été conquise par l'islam. L'Égypte a été conquise par l'islam. La Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Est, l'Ouest, l'Irak, le Khorasan, toutes ces villes, tous ces pays ont été conquis par le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc comment pouvons-nous oublier le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam? Et comment pouvons-nous oublier Allah? Et comment pouvons-nous oublier ses règles, subhanahu wa ta'ala? C'est à lui seul qu'appartient le jugement. Et personne d'autre que lui n'a de décision ou de jugement avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création et dans la façon dont on règle les problèmes et dont on gère les conflits et dont on juge entre les hommes. نسأل الله العافية وعلى كل حال الخروج لا يجوز لأنه يترتب عليه مفاسد لا أول لها ولا آخر والتاريخ يدل على هذا والواقع الذي عاصرناه وعايشناه يدل على هذا فالأمور تعالج بالحكمة. Donc le Cheikh il dit, de toute façon on doit comprendre que les rébellions et les révoltes contre les dirigeants, c'est quelque chose qui n'est pas permis. C'est quelque chose duquel découlent des méfaits qui sont, qui n'ont pas de fin. Si on rentre dans ce genre de révolte et de rébellion, on rentre dans des conséquences négatives. Et des problèmes et des méfaits qui n'ont pas de fin et qui sont interminables. Et l'histoire est le meilleur témoin de ça. L'histoire est le meilleur indicateur de cette réalité. Et regardez l'actualité et qu'est-ce qu'on est en train de vivre actuellement. Tout ça, ça nous prouve et ça nous indique que les révoltes n'amènent rien de bon. Et les révolutions n'amènent rien de bon. Et donc les choses doivent être gérées et remédiées et corrigées avec la sagesse. Et non pas avec les révoltes et la rébellion. فَعَلَى هَؤُلَا أَنْ يَذْهَبَ الْعُقَلَى فَعَلَى هَؤُلَا أَنْ يَذْهَبَ الْعُقَلَى إِلَى الْحَاكِمِ ويذكروه بالله ويخوفوه بالله ويقولون له والله نريد الإسلام لا نريد الديمقراطية. الديمقراطية فيها مفاسد كثيرة وبعضهم عدها حوالي 50 مفسدة أو تزيد. أنا رددت على عبد الرحمن بن الخالق وبينت له مفاسد الديمقراطية فقال أنا أزيدكم على فساد مبادئ الديمقراطية تزيد على 150 مفسدة. فقلت إذا كانت تزيد على 150 مفسدة فهي أكبر مفسدة وهي أم الشرك وهي أم الخبائث الآن وليس فيها عدل أبدا. أول ما يسقطون حق الله وحق رسوله وحق كتابه وحق الإسلام أين العدل. Donc le Cheikh il dit, ces gens qui sont raisonnables, qui sont intelligents, s'ils sont capables d'aller chez les dirigeants et de les rappeler et de leur rappeler d'Allah et de leur faire craindre Allah et de leur dire par Allah nous voulons l'islam, nous ne voulons pas la démocratie. La démocratie contient plusieurs grands méfaits. Certains savants ont mentionné jusqu'à environ 50 méfaits et, ou plus même à la démocratie. Et il y a des chouyours qui ont écrit des livres justement sur les méfaits de la démocratie et qui ont mentionné un grand nombre de méfaits à la démocratie, et ces méfaits-là sont des méfaits par rapport à la aqida, par rapport à l'adoration, par rapport à la compréhension de la religion, toutes des choses qui sont en opposition avec les fondements de l'islam. Sans parler des autres méfaits, sans parler du gaspillage d'argent, sans parler du gaspillage de temps, sans parler des conflits et de la division que ça cause, et des conflits et des problèmes que ça ramène, sans régler aucun des problèmes. Subhanallah. Et je donne toujours cet exemple, je me rappelle quand je suis allé en Haïti l'année passée. Haïti, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes politiques, économiques, et c'est un pays qui vit en ce moment de la pauvreté, après avoir subi des catastrophes et toutes sortes de choses comme ça, des tremblements de terre. Donc, maintenant, ils veulent imposer en Haïti la démocratie. Depuis qu'ils ont essayé d'imposer la démocratie en Haïti, il y a toujours eu des problèmes encore plus. Donc, regardez maintenant. Quand j'étais là-bas, j'entendais le président actuel en Haïti, Martelly, qui disait que pour faire les prochaines élections, ça allait coûter comme 36 millions en Haïti. 36 millions! Ils ont dit, mais où est-ce que vous allez trouver 36 millions de dollars? On n'a pas 36 millions de dollars. Haïti est un pays pauvre. Subhanallah. Alors, ils ont dit, mais probablement qu'on va demander à la Caisse de dépôt ou l'aide internationale pour qu'ils nous donnent de l'argent pour pouvoir payer ces élections-là. Ou bien on va emprunter à la banque mondiale, je ne sais pas quoi. Ils disent, subhanallah. Ce ne serait pas mieux pour Haïti, au lieu de gaspiller ces millions de dollars dans des élections totalement inutiles, pourquoi pas l'utiliser à nourrir le peuple? Pourquoi pas l'utiliser à faire quelque chose de plus bénéfique pour les gens, au lieu de gaspiller de l'argent dans des élections comme ça? Subhanallah. Et la plupart des gens là-bas, beaucoup de gens là-bas sont illettrés, ils ne savent même pas quoi que ce soit de qu'est-ce qui signifie la démocratie. Et voter pour eux, c'est comme voter pour une équipe de football, Yanni. C'est qui est-ce qui va supporter telle équipe par-dessus l'autre? Subhanallah. Et Yanni, comment de personnes on les achète pour, on leur donne de l'argent pour dire, bon, allez voter pour un tel. Et ils ont des gangs même. Des gangs. Chaque parti, ils ont leur gang qui les supporte et qui impose aux autres de voter pour leur candidat. Et si quelqu'un refuse, eh bien ils se font battre par les opposants. Donc tout ça, c'est des exemples. Peut-être que j'ai donné comme exemple Haïti parce que c'est un exemple de l'absurdité là-bas, de comment on demande aux gens d'appliquer la démocratie. Alors que si on donne comme exemple les élections américaines, les élections canadiennes, les élections européennes, combien de millions de dollars ça coûte? Pour chaque élection, c'est des millions. Et tout ça, ça ramène toutes sortes de raisons pour, justement, ils ont besoin d'argent pour financer les campagnes, ça ramène de la corruption, ça ramène toutes sortes de choses, Allah Musta'an. Tout ça pour dire que après 4 ans tu dois changer de dirigeant, ou bien après 5 ans. Tout ce que le premier dirigeant avait commencé à faire, quand le deuxième arrive au pouvoir, tout ce qui avait été commencé par le premier, ou bien une grande partie, ou bien plusieurs des projets, des dossiers qui étaient mis de l'avant, eh bien ça retourne à zéro. Il dit, ça c'est pas, pour nous c'est pas une priorité, on veut pas faire ça, maintenant on va faire autre chose. Donc à chaque 4 ans, c'est de l'instabilité. Hein? Et c'est pour ça certains des dirigeants musulmans, par exemple, qui restent au pouvoir, comme c'est dans l'islam, comme c'est supposé dans l'islam qu'un dirigeant il reste au pouvoir jusqu'à sa mort. C'est comme ça, le président à vie, dirigeant à vie, c'est comme ça dans l'islam. Il n'y a pas de dirigeant à chaque 4 ans, on change de dirigeant, comme si c'était la chaise musicale. Hein? On s'amuse comme ça, à chaque 4 ans, on change de personne. Ça ramène de l'instabilité, ça ramène toutes sortes de problèmes. Donc, eux, quand ils ont entendu les dirigeants musulmans dans les pays musulmans, ils s'assoient avec un président américain pendant 4 ans, c'est lui qui vient les visiter, il parle avec eux, il négocie avec eux. 4 ans après, un nouveau. Il y a des dirigeants musulmans, pendant leur vie, ils ont peut-être connu, trois ou quatre dirigeants différents, des pays européens, des pays américains. C'est ridicule, subhanallah. Alors que les gens ont besoin de stabilité, les gens ont besoin de savoir qui est-ce qui est au pouvoir. Dans les pays occidentaux, on ne sait pas qui vraiment est au pouvoir. Parce que ceux qui restent, qui ont l'argent, c'est eux qui dirigent vraiment. Puis ceux qui sont à la tête du parti ou qui sont élus, c'est des gens qui sont là pour un temps, puis qui partent après. Mais ceux qui ont l'argent, c'est eux qui prennent vraiment les décisions, qui contrôlent qu'est-ce qui se passe. Tout ça, c'est pour montrer parmi les exemples de l'égarement et de l'absurdité de vouloir imposer aux pays musulmans et aux pays du tiers-monde, même ceux qui ne sont pas musulmans, de vouloir leur imposer la démocratie, alors que c'est un système qui est en contradiction avec leurs coutumes, leurs traditions, leurs religions, leurs croyances. Il n'y a rien de bon dedans, il n'y a rien dedans qui prouve que c'est quelque chose de meilleur que d'autres. Donc pourquoi vouloir faire imposer ces systèmes, excepté pour éloigner les gens de la foi, éloigner les gens d'Allah, éloigner les gens de la législation d'Allah, et pour propager la corruption et le désordre et l'égarement sur la terre, et pour rendre licite ce qu'Allah a interdit. Donc on continue l'explication. Qu'est-ce que Cheikh il mentionne? Il dit: j'ai réfuté Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq, c'est qui? C'est un Égyptien. C'est un Égyptien qui vit au Koweït depuis longtemps. Il était à l'université islamique de Médine à l'époque, et il est sorti parmi les premiers qui ont sorti de l'université à la même époque que Cheikh Rabi' et d'autres grands ulama. Sauf que lui, après ses études, au lieu de retourner dans son pays, en Égypte, pour appeler au tawhid et à la sunna, il est parti au Koweït, puis il est rentré dans le parlement et commençait à faire partie de ceux qui rentrent dans la démocratie, dans le parlement, et commençait à critiquer les ulama et à les insulter, à les dénigrer et à parler en mal d'eux, et à appeler au takfir et à supporter les jama'at de Hizbiya, de Bid'a. Il a beaucoup de contradictions avec la sunna. Donc plusieurs ulama l'ont réfuté. Et parmi les ulama, Cheikh Ibn Baz l'a réfuté. Et Cheikh Rabi' l'a réfuté. Et plusieurs ulama également. Et donc, puisqu'il est rentré dans la démocratie et dans les élections, comme le manhaj des Qutbiya et des Sururi et des Takfiriyin, c'est ça son manhaj. Alors Cheikh Rabi' lui a dit: tu sais que la démocratie, il y a des méfaits là-dedans. Il dit: je lui ai expliqué les méfaits de la démocratie. Il a dit, Abdurrahman Abdul Khaliq, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je sais qu'il y a des méfaits au fondement de la démocratie et que c'est un système corrompu. Il dit: si tu m'en donnes, je vais t'en rajouter même 150 méfaits. Et puis malgré tout, il reste là-dedans. Et tu dis que tu vas rajouter 150 méfaits et puis après tu restes dans les élections et des trucs de ce genre. Alors Cheikh Rabi' lui a dit: si tu es capable de rajouter 150 méfaits à la démocratie. Donc ça veut dire que c'est le plus grand méfait lui-même. Et que c'est la base du shirk et toutes les saletés qui sont présentes aujourd'hui. Et donc, il n'y a aucune justice dans ce système. Hein? Et la première chose qu'ils font tomber dans la démocratie, c'est quoi? C'est le droit d'Allah. Et le droit de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le droit du livre d'Allah. Et le droit de l'islam. Donc, où est-ce qu'elle est la justice? Hein? Tous ces gens qui parlent de démocratie, ils disent, oh, on veut nos droits, on veut nos droits. Hein? On veut la justice, on veut la justice. Où est-ce qu'il est le droit d'Allah? Qui est le plus grand de tous les droits. Le droit d'Allah qui est le droit que ce soit, son droit exclusif à l'adoration. Ça c'est le plus important de tous les droits. Pour ce droit-là, où est-ce qu'il est dans la démocratie? Il n'est pas respecté du tout, il n'a aucune importance. Parce que pour eux, toutes les divinités, vraies ou fausses, hein, celui qui mérite d'être adoré, Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui mérite d'être adoré, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, le maître absolu de toutes choses. Hein, et les fausses divinités que les hommes adorent en dehors d'Allah sont à égalité pour eux dans la démocratie. Donc où est-ce qu'il est le droit d'Allah dans la démocratie? Et où est-ce qu'il est le droit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'être écouté et obéi et de le prendre comme législateur dans la religion d'Allah et dans la vie des hommes et de suivre sa sunna et de s'écarter de ce qu'il a interdit? Et de même que le droit du livre d'Allah, c'est-à-dire le droit du Coran, d'être appliqué et de juger selon ce qui est dedans et de l'appliquer comme étant la loi sur tous les aspects, dans tous les plans de la vie politique, économique. Hein? Donc, subhanallah, tout ça c'est des choses qui indiquent que l'islam, il y a dans l'islam ce qui répond à tous les différents aspects de la vie. Tandis qu'aujourd'hui, tu retrouves certains musulmans qui se prétendent laïcs et qui veulent séparer la vie de la dunya et la vie religieuse et qui veulent séparer le politique et l'économique et le social de la religion et qui disent, ceux qui veulent appliquer un islam politique, eh bien, ils disent que ce sont des gens qui sont déviés, ou bien ce sont des gens qui ne sont pas sur le vrai islam. Le vrai islam, c'est l'islam de leur grand-mère et de leur grand-père, comme ils disent tout le temps, Allah al-Musta'an, alors que peut-être que leur grand-mère ou leur grand-père n'ont jamais étudié la charia d'Allah, n'ont jamais étudié la aqida, n'ont jamais étudié le fiqh, n'ont jamais étudié le tafsir, n'ont jamais étudié les sciences islamiques, et ils prennent leurs grands-parents comme des références dans la religion musulmane. Subhanallah wa bihamdi. Pourquoi vous ne prenez pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme référence dans votre religion? Hein? Et vous ramenez les musulmans à la compréhension de vos grands-parents ignorants, hein? Qui se limitaient à la pratique de ce qu'ils connaissaient, hein? Leur modeste et humble connaissance. Hein? Ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient, mais ça ne veut pas dire que ce sont des bases à prendre, des références à prendre dans l'islam. Et maintenant, si vous dites que l'islam, soi-disant, vous dites que l'islam politique, c'est un islam qui est contraire à l'islam réel, dans ce cas-là, eh bien, ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne suivait pas le vrai islam, puisqu'il appliquait la religion dans tous les aspects de la vie, politique, économique et sociale. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il appliquait la religion dans ce qui est politique, dans ce qui est économique, dans ce qui est social, dans ce qui est juridique et dans tous les aspects de la vie. Et pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais les sahaba aussi, après lui. Ils l'ont suivi dans cet exemple. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum, qui sont les quatre khulafa rachidin. Et ceux qui les ont suivis également, tous les autres sahaba parmi les ulama, la même chose. Et les khulafa qui ont suivi, de Bani al-Abbas, Bani Umayya, hein? tous ces khulafa, ils ont tous jugé selon le Coran et la Sunna. La même chose avec l'Uthmaniyya et les autres dynasties islamiques. Et aujourd'hui, la même chose avec Dawla Saoudiya, l'Arabie Saoudite, qui applique le Coran et la Sunna dans tous les aspects de la vie politique, économique et social, puisque l'islam c'est comme ça. Mais de vouloir séparer ça pour imiter les koufars chrétiens et juifs et laïcs athées de l'Europe, parce que eux ils ont décidé de rejeter leur fausse religion parce qu'elle était déjà falsifiée, corrompue et abrogée par l'islam, donc eux ils ont compris trop tard que leur religion était dépassée, donc ils ont décidé finalement de s'en débarrasser, hein? Mais ils n'ont pas compris que l'islam était venu pour compléter le message de ces messagers qui étaient venus avant, et que c'était l'islam qu'ils devraient suivre et non pas la laïcité. Alors ils sont tombés dans un autre égarement, ils ont quitté l'égarement de leur fausse religion du christianisme et du judaïsme, qui sont des religions qui ont été déformées du message d'origine de leurs prophètes et qui étaient à la base des religions qui étaient limitées à une époque, hein? Le message de ces messagers était limité à une époque spécifique et à un peuple spécifique qui était les fils d'Israël, tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son message n'est pas limité à un peuple spécifique, c'est pas un message qui est limité aux Arabes ou à un peuple particulier, mais c'est à toute l'humanité que ça s'adresse, et c'est pas limité à une époque précise ou spécifique, mais c'est un message, une religion qui est là pour rester jusqu'à la fin des temps et qui s'applique à tout endroit et à toute époque et qui est universelle, hein? Contrairement aux droits de l'homme aujourd'hui qui prétendent être universels mais qui n'ont rien d'universel, hein? Puisqu'ils sont en contradiction avec les révélations d'Allah, le créateur des hommes et des femmes. Celui qui a créé les hommes et les femmes, c'est Allah. C'est lui qui sait qu'est-ce qui est universel pour eux. Non pas qu'est-ce que les hommes s'imaginent être universel et qui n'a rien à voir avec l'universalité. Hein? Donc ça, c'est important. Après, le Cheikh, il dit « Thumma al-mutalabatu bil-hurriya ». Al-mutalabatu bil-hurriya. Al-hurriya. Tadinu bima shi'ta. كن يهوديا كن نصرانيا كن شيوعيا كن بعثيا كن ما شئت ها؟ البس ما شئت امشي عاريا كن زانيا سارقا تعامل بالربا أين العدل كلها ظلم وظلمات بعضها فوق بعض كيف يطالب المسلمين بالديمقراطية والحرية. Donc le cheikh il dit, et également, ils demandent la liberté aujourd'hui. Ils demandent la liberté. Et le cheikh, il dit, la liberté consiste pour eux à quoi ? À suivre la religion que tu veux. Tu suis n'importe quelle religion, sans distinction de qu'est-ce qui est vrai et faux. Soit juif, soit chrétien, soit communiste, soit baptiste, communiste, socialiste. Hein ? Habille-toi comme tu veux, marche nu même si tu veux, hein? Soit adultère, il fait l'adultère, vol, hein? Prends le riba, les intérêts. Où est-ce qu'elle est la justice? Il dit tout ça c'est de l'injustice et c'est des ténèbres les uns par-dessus les autres. Donc comment les musulmans aujourd'hui peuvent demander la démocratie et la liberté? Hein? Alors que ces choses-là sont totalement opposées avec l'islam, Allah al-Musta'an. Et tu vois ces égarés parmi les ikhwan aujourd'hui qui suivent le manhaj dévié et corrompu de Sayyid Qutb et de Hassan al-Banna et de tous ceux qui sont sur ces tendances d'égarement, qui disent aux kuffars quand ils voient la télévision dans leurs reportages: oui, l'islam, il n'y a pas de problème, c'est pas en contradiction avec la démocratie, l'islam c'est démocratique, l'islam c'est une religion laïque, et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un laïque. A'ouzou billah. Ça c'est de la calomnie, bohtan, des mensonges, hein? C'est des falsifications de la religion, pire que la falsification des juifs et des chrétiens. Comment ils ont falsifié leurs livres. La falsification des Ikhwan, comment ils falsifient le Coran et la Sunna et l'Islam, C'est pire que la falsification de certains parmi les gens du livre, comment ils ont déformé le sens de leur livre et de leur religion et du message des prophètes et des messagers d'Allah. Ajib, subhanallah. Comment tu prends des systèmes de kuf créés par des kuffars et des ennemis de la révélation et de la religion d'Allah et tu essaies de prétendre que ces systèmes d'égarement et de mécréance sont en accord avec la foi et la révélation que Allah a fait descendre dans le Coran et dans la Sunna. Puis qu'est-ce que tu trouves dans le Coran et dans la Sunna qui est clairement en opposition avec les principes des kuffars? Tu essaies de l'interpréter d'une manière à satisfaire les passions et les désirs des mécréants en leur disant hein, non, ça c'était pour une époque, il faut maintenant réinterpréter l'islam, il faut adapter le discours, hein, le discours religieux au contexte, appliquer le texte au contexte. Ça veut dire pour eux de déformer le texte pour qu'il soit en accord avec le contexte. Le contexte qui contredit l'islam, c'est pas grave si ça contredit l'islam. On le déforme le texte pour qu'il soit en accord avec le contexte. C'est ça qu'ils comprennent. Hein? Allah musta'an. Et ils appellent ça par la suite, ils osent essayer de prétendre que ça c'est l'ijtihad. Ils ont fait l'ijtihad. Premièrement, est-ce que vous êtes des ulama de la charia pour faire l'ijtihad? Non. Puisque vous n'avez pas étudié la charia avec les ulama et que vous ne connaissez pas les fondements hein, de la charia et encore moins la compréhension des salaf al-salih de cette charia. Et deuxièmement, l'ijtihad se limite à des questions dans lesquelles il n'y a pas de texte explicite et clair à leur sujet. Donc s'il y a quelque chose qui a été clarifié et expliqué par les ulama hein, et qui se base sur des preuves clair et explicite dans le Coran et dans la Sunna, tu ne peux pas le changer. Hein? Par exemple, l'alcool, Allah il l'a interdit. Le porc, Allah il l'a interdit, il y a des textes là-dessus. Le riba, le zina, hein? Il y a plein d'autres exemples comme ça. Le shirk, c'est interdit, c'est le plus grand péché. Le kuf aussi. Maintenant, tu vas me dire, on va faire l'ijtihad dans ça. On va changer qu'est-ce que Allah a dit, puis on va faire l'ijtihad pour adapter la religion et les fondements de la religion à notre époque nouvelle. A'udhu billah. Subhan Rabbi al-Azim. Donc ça, c'est des exemples de l'égarement des choses, de ces gens-là. Et puis les koufars, ils disent, oh, on est contre l'islam politique. Hein? Et ils calculent parmi l'islam politique, qu'est-ce qu'ils appellent hein, injustement le wahhabisme, ou le salafisme, ou l'islamisme. Et ils ne savent plus quel terme employer. Et ils mélangent avec ça les khawarij, les groupes comme Al-Qaïda et Daesh. Et ils mélangent ça au salafisme hein, et à l'islamisme. Et ils mettent tout ça dans le même paquet. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ils rentrent même dans ça l'Arabie Saoudite aussi. Ils disent que c'est un état, un gouvernement islamiste. Allah al-Musta'an. Des mensonges, des calomnies, des amalgames, des confusions totales. Après, j'imagine monsieur et madame tout le monde assis devant son téléviseur, ne connaît pas quoi que ce soit de l'islam et de la religion de l'islam, est assis devant son téléviseur en train d'écouter les nouvelles. Il entend des choses comme ça à la télé. Il doit être complètement, ces gens-là doivent être complètement mélangés. Hein? Et pas, c'est pas surprenant par la suite que s'ils marchent dans la rue, ils voient un musulman avec une barbe et un khamis. Hein? Ils ont envie de partir en courant et de s'enfuir parce qu'ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe devant eux. Hein? On leur remplit la tête de toutes sortes de désinformations et de mensonges. Après, ils ont une compréhension totalement déformée hein, de l'islam. L'autre jour, Yanni, je suis entré dans le métro et je m'assois à côté d'un homme, Yanni, subhanallah. Et quand il constate que j'ai un khamis, avec la barbe, il commence à faire des, comme si à faire des remarques à voix basse en parlant à lui-même. Je lui ai dit, si vous avez quelque chose à dire, il n'y a pas de problème, je suis ouvert à la discussion, vous pouvez me dire ce que vous voulez, on peut en parler. Si vous voulez que je vous explique quoi que ce soit, vous avez des questions, vous voulez savoir quelque chose, dis-moi, je suis ouvert au dialogue. Subhanallah. Aussitôt qu'il a trouvé une place libre, il a changé de place, il est allé s'asseoir ailleurs. Mais c'est pour dire, d'un côté on les comprend, parce que je me dis, subhanallah, ça fait pitié, parce que comment on leur raconte toutes sortes de mensonges à la télé, dans les médias, on leur fait peur, et on mélange tout, le vrai et le faux. C'est pas surprenant par la suite que ces gens-là soient confus. Et puis je m'attends pas à ce que le commun d'entre ces koufars décide un jour comme ça d'aller dans une bibliothèque puis commence à faire des recherches approfondies sur la réalité de ce qu'est l'islam, comme si du jour au lendemain ils vont commencer à essayer de décortiquer dans tout ce qui est dit parmi les informations diffusées dans les médias, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, de qu'est-ce que l'islam enseigne, de ces choses-là, excepté celui qui est vraiment sincère et pour qui Allah a voulu la guidance. Il y en a qui le font, mais ça c'est des exceptions, c'est des cas très rares. Et c'est pour ça que c'est important, que les musulmans, s'ils ont l'occasion de clarifier et d'expliquer à des non-musulmans la réalité de l'islam, et de leur expliquer en même temps que ces groupes dégarés parmi les khawarij, qu'est-ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec la religion et ça ne représente pas l'islam. Si on a l'occasion de le dire et de le faire, eh bien il faut le faire. Sans oublier, bien entendu, de leur expliquer les fondements de la religion musulmane, en commençant par le tawhid tout le temps, puisque c'est la base de la religion musulmane et c'est ce qui donne à tout le reste son sens. Parce que sans tawhid, il n'y a pas d'islam. Et sans tawhid, sans comprendre le tawhid, il n'y a pas de distinction entre le christianisme, le judaïsme et n'importe quelle autre religion. Si quelqu'un n'a pas compris le tawhid, il n'y a pas de différence qu'il soit un juif ou un chrétien ou un musulman. Si un musulman n'a pas compris le tawhid, il n'y a pas de différence qu'il soit juif ou chrétien ou qu'il se dise musulman. Parce qu'en réalité, sans la base, le reste devient insensé. Allah al-Musta'an. Et malheureusement, beaucoup de musulmans ignorent le tawhid. Et ils n'ont pas une compréhension solide du tawhid. C'est pour ça qu'ils ne savent pas comment faire la da'wah à des koufars et comment leur présenter l'islam correctement. Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de l'islam. Ils finissent comme Tariq Ramadan, qui dit aux gens, le tawhid c'est quoi pour lui, le tawhid? Eh bien, c'est pour lui, c'est déjà une compréhension totalement déformée. Le tawhid pour les gens comme Tariq Ramadan et les Ikhwan, Qardawi, Al-Ghazali, tous ces gens-là, c'est d'affirmer qu'il y a un créateur, un Dieu qui est unique. Puis après, c'est fini. Le reste, même si tu vas adorer les morts et les tombes, tu fais le shirk, c'est pas grave. Parce que pour eux, le shirk, c'est quoi? C'est, comme ils ont dit, détruire les grandes compagnies, détruire Coca-Cola, détruire les belles voitures. C'est ça les idoles pour eux. L'ancien shirk, à l'époque d'Abraham, il détruisait les idoles. Ça, c'était l'ancien shirk. Le shirk primitif. Aujourd'hui, le shirk, c'est plus ça pour lui. Pour lui, aujourd'hui, le shirk, c'est les multinationales, Coca-Cola, les belles voitures, les beaux vêtements. Donc, briser les idoles, aujourd'hui, c'est détruire ça. Et on dirait qu'en fait, ils ont essayé d'interpréter le tawhid selon le socialisme et les groupes qui sont contre le capitalisme là aujourd'hui, qui combattent Coca-Cola. Bien, c'est ça l'islam pour eux. C'est pour ça que tu les vois toujours en train de défendre les causes des socialistes et de s'allier avec eux. Hein, et certains même, ils vont même s'allier aux communistes parce qu'ils prétendent être pour la justice et la liberté. Allah al-Musta'an. Oh Allah al-Musta'an. Donc on s'est éloigné un peu, mais tout ça c'est relié, hein. Tout ça c'est relié. Allah al-Musta'an. Donc ceux qui pensent que tu peux être musulman puis laïque en même temps, ou d'être musulman puis être athée en même temps, ça c'est la chose la plus absurde que quelqu'un a jamais entendu. Parce que d'être musulman, c'est de croire en Allah et d'unifier Allah et d'être soumis à Allah. Hein? Donc tu peux pas être musulman sans reconnaître premièrement l'existence d'Allah et ensuite reconnaître que c'est le seul maître créateur de l'univers, et ensuite reconnaître que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux, et également que tu reconnaisses tous ses noms et ses attributs tels qu'ils sont dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna. Donc si tu n'as pas cru en ces éléments là eh bien tu n'as pas cru en Allah, donc tu n'es pas musulman, hein? Donc être laïque, hein, c'est une contradiction avec l'islam. Parce que la laïcité, ça implique que tu ne vas pas juger dans les questions politiques, économiques et sociales en te basant sur les lois révélées par Allah dans le Coran et dans la Sunna authentique, mais tu vas te baser uniquement sur les lois que les hommes ont votées. Et qu'est-ce que la majorité a considéré comme étant la loi, hein? Allah al-Musta'an. Comme certains koufars ont dit même, la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Hein? Allah al-Musta'an. Wa la nara al-khuruj 'ala al-a'imma. Al-a'imma la nujizu al-khuruj 'alayhim li'anna Allah tabaraka wa ta'ala amarna bi ta'atihim. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. وأولي الأمر منكم وأولي الأمر هم العلماء والحكام فيجب على الناس أن يطيعوهم في طاعة الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ونطيعهم في طاعة الله ولا نرى الخروج عليهم أبدا الخروج عليهم ضلال وفتنة وهو من منهج الخوارج لا من منهج أهل السنة فما دام ولي الأمر مؤمنا بالله ليس كافرا ولا مشركا به ما دام يصلي لا يجوز الخروج عليه مهما بلغ من الجور يجب طاعتهم ما أقاموا فيكم الصلاة. Donc le cheikh il dit, et les imams, les deux imams Abu Hatim et Abu Zur'a al-Razi, ils ont dit, et on ne voit pas la légitimité de se révolter contre les dirigeants. Les dirigeants, il n'est pas permis de se révolter contre eux. Parce que Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a ordonné de leur obéir. Et obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et ceux qui détiennent le commandement, ce sont qui? Ce sont les savants de l'islam, les ulama, et les hukam, c'est-à-dire les dirigeants. Et donc, il est obligatoire aux musulmans, aux hommes, de leur obéir dans l'obéissance d'Allah. Et dans ce qui est péché, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Donc, si une créature t'ordonne de désobéir au créateur, eh bien, tu ne lui obéis pas. Parce que tu n'as pas le droit d'obéir à une créature dans la désobéissance au Créateur. Sauf que tu obéis aux dirigeants dans le bien. Tu obéis aux dirigeants dans le bien et dans l'obéissance d'Allah. Et il dit, on ne considère pas comme étant permis dans l'islam de se révolter contre les dirigeants. Jamais. Hein? La rébellion, les révoltes contre les dirigeants, ce n'est pas permis. Et il dit, de se révolter contre eux, c'est de l'égarement. Et c'est de la fitna. Et ça fait partie du manhaj des khawarij. Et il dit, ça ne fait pas partie du manhaj des gens de la sunna. Donc, tant que le dirigeant est croyant en Allah, ce n'est pas un kafir, ce n'est pas un mushrik. Donc tant qu'il fait la salat, il n'est pas permis de se révolter contre lui, peu importe ce qu'il a atteint comme injustice et comme tyrannie. Peu importe ce qu'il a fait comme injustice et comme tyrannie, il est obligatoire de leur obéir dans le bien, tant qu'ils ont établi parmi vous la salat. Et il mentionne à ce sujet certains hadiths, hadith Umm Salama, يعني إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ومن رضي وتابع ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا. وفي حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذا رأيت الكفر البواح الواضح حينئذ يجوز أن تنزع يدك من طاعته وأن تسقطه، لكن بشرط أن يحقق هذا خيرا ويدفع شرا، أما أن يجلب فتنا ودماء ومشاكل ومفاسد أكبر من المفسدة التي تأتي من هذا الحاكم المنحرف فلا يجوز الخروج عليه. Donc le cheikh il dit, le hadith de Umm Salama dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez avoir des dirigeants, vous allez reconnaître des bonnes choses qu'ils font et vous allez condamner certaines choses qu'ils font comme péché. Celui qui a détesté ce qu'ils font comme péché, il a été innocenté. Celui qui condamne le mal qu'ils font, eh bien il est épargné. Mais par contre, celui qui est dans le temps, c'est celui qui a été satisfait, qui a suivi dans le faux et dans le mal. Et là, les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, ne devons-nous pas les combattre lorsqu'ils sont dans le mal ou dans le péché ou dans les choses contraires à l'islam? Il a dit, non, tant qu'ils font la salat. Donc, tant qu'ils font la salat, ce sont des musulmans, vous n'avez pas le droit de les combattre. Hein? Et même la nasiha, ou quand tu condamnes le péché du dirigeant, quand il fait un péché, eh bien ça doit être fait en privé, hein, non pas publiquement. Contrairement au manhaj des Khawarij, qui eux critiquent ouvertement et publiquement les dirigeants et condamnent leurs fautes et leurs péchés devant les masses. Donc ça, c'est contraire à l'islam. Et il y a le hadith également qui est rapporté selon Ubadat ibn Samit, qui dit, nous avons donné l'allégeance sur l'écoute et l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans les moments dans lesquels nous sommes motivés et dans les moments où c'est des choses qui nous déplaisent, dans la facilité comme dans la difficulté, et même si ceux qui sont au pouvoir sur nous se donnent des privilèges dans les affaires de la dunya. Donc même s'ils se donnent des privilèges sur vous dans les questions dans les affaires de la dunya, ils l'exigent. Ces dirigeants font de l'injustice, ils exigent leurs droits, hein? Mais ils vous refusent vos droits. Malgré tout, vous devez les écouter, les obéir dans le bien et ne pas disputer à vos dirigeants le commandement et l'autorité qu'ils ont sur vous. Excepté si vous voyez un kufr clair au sujet duquel il y a à son sujet une preuve venant d'Allah. Le cheikh il dit donc, si tu vois un kufr clair et évident, alors dans ce cas-là, il est permis de retirer notre main de son obéissance et de le faire tomber, ce dirigeant. Mais par contre, il y a des conditions. Et là, une des conditions à ce sujet-là, c'est que il faut que le bien soit réalisable et concret. Et que on soit capable de repousser le mal de ce dirigeant-là concrètement, réellement, sans que cela ramène du désordre et que ça fasse couler le sang et que ça ramène des problèmes et des méfaits plus grands que le méfait de la présence de ce dirigeant mécréant au pouvoir. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si tu n'es pas capable de l'enlever sans créer de problèmes et de fitan, de désordres plus grands, dans ce cas-là, il devient interdit de se révolter contre lui, même si c'est un dirigeant qui est kafir. Même si c'est un dirigeant qui est kafir, ça devient interdit de se révolter contre lui si le mal qui va être créé par cette révolte va être plus grand que le mal de sa présence au pouvoir. Comme c'est des exemples de ce qui s'est passé dans les pays arabes actuellement, en Libye, en Syrie, en Irak, dans tous ces pays-là, les gens se sont révoltés contre le dirigeant et les problèmes dans lesquels ils sont aujourd'hui, on ne peut même pas voir comment on va et quand on va s'en sortir. Hein? La destruction du pays totale, des millions de réfugiés, perte de sécurité, perte de stabilité. Les gens ils vivent une vie maintenant désastreuse. Alors qu'auparavant, ils n'étaient pas dans le bien parfait, mais ils vivaient beaucoup mieux que qu'est-ce qu'ils vivent actuellement. Donc le cheikh, il mentionne ça. Ensuite, il dit « والقتال في الفتنة وهذه مسألة القتال في الفتن لا يجوز وفيها أحاديث كثيرة تأمر بكسر السيوف والقصي والأوتار والجلوس في البيوت لأن هذا القتال إنما هو للدنيا ليس لله عز وجل التصادم الذي يحصل بين الناس في الفتن هذه ليس لله عز وجل فلا تدخل فيه لأن هذا الصراع الذي يجري بين الناس إنما هو لأجل الدنيا لا لوجه الله عز وجل فلا تدخل في هذه الفتن قال أبو برزة رضي الله عنه أيام القتال في عهد ابن الزبير ومروان قال والله إن هؤلاء لم يقتتلوا إلا للدنيا وما دخل في هذه القضية ابن عمر ما دخل في هذه المعارك كلها في هذه المعارك كلها ومحمد ابن مسلمة وغيرهم ما دخلوا في هذه الفتن لأن عندهم توجيهات نبوية بالبعد عن الفتن وعدم الدخول فيها. Donc le cheikh dit également, les deux imams ont dit, et on ne combat pas dans la fitna, on ne rentre pas dans les combats qui ont lieu dans les moments de trouble, et de confusion, de fitna. Et ça c'est une question qui est claire, que ça c'est pas permis. Lorsqu'il y a des combats entre les musulmans, et qu'ils sont divisés en deux groupes, ou trois groupes, ou quatre groupes, ou cinq groupes, ou plus, comme c'est le cas dans certains pays, chaque fraction est en train de se combattre les unes les autres. Et chacune prétend être en train de défendre la vérité et la justice. Et ce sont tous des musulmans qui s'entretuent. Dans des situations pareilles, quand les bannières sont confuses et que la raison du combat n'est pas claire, on ne sait pas pourquoi, dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de casser les épées, de les briser et casser les flèches, de briser les armes et de rester dans la maison, assis à la maison et de ne pas rentrer dans le combat parce que ces combats-là sont uniquement pour la dunya et non pas pour Allah. Et donc les confrontations qui se produisent entre les gens dans les moments de fitan ne sont pas pour Allah. Et donc il n'est pas permis d'y rentrer. Et les conflits qui se produisent entre les hommes dans ces situations-là, c'est uniquement pour la vie d'ici-bas, pour la dunya, et non pas pour le visage d'Allah. Et donc on n'a pas le droit d'y rentrer. Et Abu Barza, lorsqu'il y a eu des problèmes à l'époque de Ibn Zubayr et de Marwan, il a dit par Allah, cela ne combatte pas, hein, cela ne combatte pas pour autre chose que la dunya. Et il n'est pas rentré dans cette question. De même que Ibn Omar, il n'est pas rentré dans ses problèmes, et dans ses conflits, et dans ses combats. De même que Mohammed ibn Maslama, de même que Ibn Omar, et tous ceux-là ne sont pas rentrés dans les fitanes. Et ils ont suivi les enseignements prophétiques qui ordonnent de s'éloigner des fitanes et de ne pas rentrer dans les fitanes. Après, le cheikh, il termine, il explique وَنَسْمَعُ وَنُطِيعُ لِمَنْ وَلَّهُ اللَّهُ أَمْرَنَا لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِطَاعَتِهِمْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et donc on doit écouter et obéir à ceux à qui Allah a donné le pouvoir politique sur nous. Dans le bien. وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ كَمَا بَيَّنَتْ الْأَحَادِيثُ الْأُخَرُ لَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ إِلَّا إِذَا رَأَيْنَا الْكُفْرَ الْبَوَاحِ ثُمَّ لَا نَخْرُجْ إِلَّا إِذَا كَانَ عِنْدَنَا مَا يطمئننا على أن لا تسفك دماء ولا تربو هذه المفسدة على مفسدة وجود هذا الحاكم الكافر إذا كان كافرا. Donc il termine, Cheikh Rabi, en expliquant la dernière phrase de la parole des deux imams à ce sujet-là, et nous ne retirons pas notre main de l'obéissance. C'est-à-dire, comme c'est mentionné dans les autres hadiths au sujet, de ne pas retirer notre main de l'obéissance aux dirigeants, excepté si nous voyons un coffre clair. Et même s'il y a le coffre clair, hein, on ne va pas se révolter contre le dirigeant tant que, hein, tant qu'on n'est pas certain que ça ne va pas faire couler le sang des innocents et que ça ne va pas ramener des méfaits plus grands que le méfait de la présence de ce dirigeant mécréant au pouvoir, si c'est un mécréant réellement. Et encore là, pour établir, hein, comme le cheikh il dit, si c'est un mécréant. Parce que des fois, certains takfiriens et certains parmi les khawarij, ils se permettent de faire le takfir d'un dirigeant pour essayer de justifier leur révolte et leur rébellion contre un dirigeant sans aucune preuve. C'est-à-dire, ils font le takfir en se basant sur des choses qui ne sont même pas kufres. Et donc, ils voient le dirigeant faire un péché, où ils disent, ah, le tel dirigeant, il a tué des gens, ah, ça veut dire que c'est un kafir. Comme si le meurtre, c'était un kufre. Comme si le meurtre, c'était équivalent au shirk akbar, ou au kufre akbar. Alors que non. Ou bien, quand il a fait de l'injustice ou un péché quelconque, un dirigeant, par exemple, il boit de l'alcool. Et ils l'ont montré sur une photo en train de boire du vin. Ça y est, c'est un kafir, il boit du vin. A'udhu billah. Boire du vin, c'est un péché, c'est haram, c'est une marsiya. Et Allah, il a des menaces pour ceux qui désobéissent à Allah et qui boivent du vin ou boivent de l'alcool. Hein? C'est un péché. Mais est-ce que quelqu'un devient kafir parce qu'il a bu de l'alcool? Non! Hein? Ou bien ils vont filmer ou montrer une photo, un dirigeant qui serre la main à un président américain ou un président, hein, juif ou un président britannique, chrétien, juif, athée, franc-maçon ou je ne sais pas quoi. Là, regardez, il serre la main à celui-là. Quoi, serrer la main à un kafir, ça devient kufr? Quand tu serres la main à un président kafir, ça dit toi-même tu deviens kafir? Yani, c'est des choses comme ça que ces gens-là, ils se basent sur ça pour faire le takfir. Tu vois leur ignorance. Non seulement ce sont des ignorants, mais ce sont des idiots, des abrutis, des imbéciles. Des gens qui peuvent avoir ces pensées-là ou ces idées-là c'est pas seulement l'ignorance, c'est la stupidité, hein? C'est le manque d'intelligence. Qu'Allah nous épargne. Parce que franchement, d'avoir une ignorance qui atteint ce degré-là, ça dépasse l'ignorance. Donc le takfir, c'est quelque chose qui est limité aux ulama de l'islam, hein, qui comprennent et qui connaissent les choses qui annulent l'islam de quelqu'un et qui connaissent les conditions et les empêchements et qui savent comment appliquer les textes sur les individus et savoir quand est-ce que ça s'applique et quand est-ce que ça s'applique pas. Mais si tu vas te baser uniquement sur la compréhension de ces jeunes égarés takfiri, hier il était dans une boîte de nuit à boire de l'alcool et à faire le zina, demain il s'est repenti et il commence à faire le takfir de la umma, hein? Il pense qu'il a compris l'islam mieux que Ibn Taymiyyah et mieux que tous les ulama qui vivent sur la terre aujourd'hui. Et après il commence à faire le takfir de Sheikh Al-Fawzan, le takfir de Sheikh Rabi', le takfir des ulama, hein, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, hein, Allah al-Musta'an. Et il pense qu'il a mieux compris que tout le monde. Et après, il s'en va en Syrie, il s'en va se battre avec Daesh, il va se faire sauter le cerveau. Hein? Et il pense qu'il a mieux compris l'islam que tous les savants depuis l'époque des salafs jusqu'à nos jours. C'est ça l'égarement auquel on a, hein, à faire face aujourd'hui avec ces gens-là, Allah al-Musta'an. Donc, dans tous les livres de Aqidah des salafs, tous les salafs ont parlé de ces éléments-là et ils ont tous expliqué que l'écoute et l'obéissance aux dirigeants musulmans est une obligation et que c'est un des éléments de fondement parmi les éléments de la aqidah et du manhaj des salafs al-salih. Si quelqu'un contredit dans ça, eh bien il n'est pas salafi, c'est un mubtadi', c'est un khariji, que ça leur plaise ou non, que ça leur fasse leur affaire ou non. Tous les takfiris à Montréal, c'est la même chose. Takfiri en France, takfiri en Angleterre, takfiri dans les pays arabes, dans les pays non arabes, partout c'est la même chose. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils dans le manhaj des khawarij et dans l'égarement. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter avec ça pour aujourd'hui. On continuera inshallah la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته